ceci pour nous frotter. Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue à ce journal La Langue Française. À la présentation, vous êtes avec Jean-Marie Mayonga, cabinet technique, et François Akimana, les titres de ce journal. Une trentaine de personnes accusées d'avoir participé à différentes attaques perpétrées dans les localités de Lusaka, Muramvya et Bujumbura ont été arrêtées par la police. Déclaration du porte-parole du ministère de la Sécurité, Pierre Ngurikiye, lors d'une émission publique des porte-parole ce vendredi. Et dans la même émission, le secrétaire général de l'État s'est exprimé sur le génocide contre l'ethnie Hutu en 1972, et vous l'entendrez. Et le taux de prévention de la transmission du VIH/SIDA de la mère à l'enfant a diminué, passant de 86% à 63%. C'est le constat des intervenants dans la lutte contre le VIH/SIDA lors d'une réunion de ce vendredi. Le reportage du jour nous parle de certaines femmes de la colline Shanga, c'est en commune Musongati, province de Lutana, qui se réjouissent de l'érection du pont piétonnier suspendu et reliant les communes Musongati et Minga Kayove. Voilà pour les titres. Encore une fois, bienvenue. Bonsoir. Une trentaine de personnes accusées d'avoir participé à différentes attaques perpétrées dans les localités de Lusaka, dans la province Mwaro, Muramvya et dans la capitale Bujumbura ont été arrêtées par la police. Ce qu'a déclaré le porte-parole du ministère ayant la sécurité dans ses attributions ce vendredi lors de l'émission publique des porte-parole et des institutions burundaises. Une émission animée à partir de la province de Makamba. Pierre Ngurikiye précise que parmi les personnes arrêtées figurent des soldats retraités. On l'écoute. Il est traduit en français par Léonidas Kirombo. Concernant les récentes attaques qui ont été perpétrées à Lusaka, à Mwaro, à Muramvya et à Bujumbura, la police a déjà effectué ces enquêtes. 14 personnes accusées de l'attaque de Lusaka ont été arrêtées. Parmi ces personnes arrêtées figurent 4 retraités de l'armée. Quant à l'attaque qui a eu lieu à Muramvya, 12 personnes ont été appréhendées, y compris 2 anciens soldats et policiers retraités. Pour l'attaque à la grenade observée dans la capitale de Bujumbura, 3 personnes sont sous les verrous. L'une d'entre elles a été appréhendée quand elle a voulu lancer une autre grenade avant son arrestation. C'est là où arrivent les enquêtes. Toutes ces personnes ont été arrêtées et les preuves sont là. Les dossiers ont été transmis à la justice pour les juger. Au cours de cette même émission, le secrétaire général de l'État a affirmé qu'il y a des éléments éloquents qui montrent qu'au Burundi, le pouvoir du capitaine Michel Michombero a commis un génocide contre l'ethnie Hutu en 1972. Mais Prosper Ntahorwamiye nuance en disant que ce sont les institutions compétentes qui ont l'attitude de qualifier ces événements. Suivez-les dans la traduction française de Moïse Misago. Si on considère les rapports fournis par la CVR ainsi que des critères éloquents qui déterminent le crime de génocide, ici je parle des éléments que nous détenons car l'organe habilité s'y exprimera. Les preuves à notre possession montrent à suffisance que le crime de génocide contre les Hutus en 1972 a été commis par le pouvoir du capitaine Michel Michombero. Personne ne peut les refuter. Ces preuves sont là pour éviter qu'il y ait des rancuniers. Je donne quelques critères qui prouvent que le crime a été commis. Ici, à comprendre que l'organe habilité qui qualifiera les événements de 1972, mais cela ne peut pas nous priver de donner des preuves qui sont visibles. La première condition, le crime a été ciblé à une catégorie de gens à cause de quelque chose. Cela s'est passé, il y a des gens qui ont été tués à cause de leur appartenance ethnique et en 1972, c'était des Hutus. La deuxième condition qui le prouve, le crime a été commis par le pouvoir. À l'époque, c'était le capitaine Michel Michombero. Nous sommes sur les preuves. Aucune décision n'a été prise. On n'a pas encore donné ce qualificatif. Cela revient à l'organe habilité. Mais les preuves que nous possédons, et tenant compte des autres rapports, des témoignages qui ont été donnés, des enquêtes menées et des rapports de différents experts, les preuves disponibles montrent que le pouvoir du capitaine Michombero a commis du génocide contre l'ethnie Hutu. Mais ce n'est pas le moment. La commission Vérité et Réconciliation est encore à l'œuvre. Cette commission a du travail qu'il reste, à savoir le dénombrement des victimes et beaucoup seront connus, ainsi que la finalisation des enquêtes de recueillir des témoignages sur les événements pour connaître la vérité sur ces événements. Continuons ce journal. Les glissements de terrain est une des conséquences de l'action de l'homme et sur la nature au Burundi. Propos du docteur Bernard Sindayihebura ce vendredi lors du lancement officiel du rapport sur le développement humain édition 2020 par le programme des Nations Unies pour le développement au Burundi. L'exécution des travaux de développement en conformité avec la protection de l'environnement est une des solutions envisagées pour atteindre le développement humain dans cette période marquée par des changements climatiques dus à l'action de l'homme. Mais écoutez-le au micro de Jean Dodier, il raconte. La présentation donc portait sur les indices de développement humain et l'anthropocène. Ce mot anthropocène, c'est un mot qui est vraiment nouveau, qui aurait commencé dès les années 1950, après la Deuxième Guerre mondiale. Vous savez effectivement que les pays développés ont fait un effort pour développer l'industrie et construire donc les usines pour finalement arriver au bien-être. Beaucoup de gens aussi également vers les années 60, ils ont continué aussi à envoyer des éléments donc dans l'atmosphère et puis qui ont contribué aussi également à la dégradation aussi de l'environnement. Actuellement, on en arrive vraiment à la course de l'armement et puis beaucoup de facteurs qui ont contribué directement pour impacter l'environnement. Au Burundi, à titre d'exemple, tous les versants de terre burundaise à une certaine période, donc ce qu'on appelle l'ancien Burundi, ici je citerai par exemple les provinces de Murangia à l'époque, les provinces de Gitega, les provinces de Ngozi, une grande partie était occupée donc par la forêt et puis par ce qu'on appelle une végétation qui était appétée par le bétail qu'on appelle l'iparénia. Alors cette végétation maintenant a été remplacée par une espèce dégradée appelée Eragrostis. Et suite à l'explosion démographique, on voit vraiment que la population burundaise a doublé. Et cela a contribué à l'accélération de la diminution et même à l'extinction de la faune et de la flore que nous avons au Burundi. Je n'ai pas en tête la liste des espèces qui ont disparu, mais la liste vraiment est grande. Au niveau mondial, on a recensé environ plus de 450 espèces qui ont disparu. Les léopards, les lions et d'autres espèces ont disparu. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant directement pour repeupler effectivement tout ça? Des solutions sont là. Nous sommes dans une période où les clignotants vraiment sont au rouge à la planète, au Burundi et ailleurs. Et les projets et les politiques à mettre en place devaient tout d'abord aussi se baser sur ces indicateurs que l'OPNID vient de fournir et puis avec aussi également le danger qui nous attend. Parce que en 2050, d'après les résultats qui se trouvent dans le rapport, on a montré que des milliers d'espèces pourraient disparaître au Burundi aussi également ailleurs. Quelles solutions durables alors faudra-t-il maintenant mettre en place dans les projets et les politiques pour finalement vivre mieux pour les générations futures et finalement aussi également vivre dans un environnement qui est sain, riche et équilibré. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Radio Isanganiro 18 est passé de 9 minutes et les pêcheurs vivant dans le lac Elgueru, un des 8 lacs de la province Kirundo, vont bientôt bénéficier des moyens modernes de pêche pour augmenter le rendement. Cela a été annoncé ce jeudi par un des délégués de l'équipe chargée de la commission de pêche dans le bassin du lac Victoria au sein de la communauté est-africaine. La commune de Busoni profite beaucoup de ce lac avec 80 millions de francs burundais issus des taxes versées dans les caisses de la commune. Abraham Safar, correspondance. Ce lac Rweru, qui s'étend sur une partie de la commune de Busoni en province de Kirundo, est l'un des 8 lacs se trouvant en cette province et qui donne le gros du rendement des poissons issus de ces lacs. Comme le confirme Mme Godebert Manrakiza, chargée du suivi de pêche au sein de la BPAE Kirundo, la moyenne annuelle de quantité de poissons reçue dans le seul lac de Rweru gravite autour de 5000 tonnes. Dans la visite de ce jeudi d'une équipe de la commission de pêche dans le bassin du lac Victoria, Élisée Nzohabonayo a fait savoir que l'objectif de cette descente est de s'en rendre compte de l'existence des autres lacs au Burundi, autres que le lac Tanganyika. C'est aussi savoir les espèces de poissons vivant dans le lac Rweru, la quantité qui s'y trouve, les moyens utilisés dans la pêche, ainsi que la sécurité des poissons et des pêcheurs. Cependant, le constat a été que les outils utilisés pour pêcher sont archaïques, ils ne répondaient pas aux normes modernes. C'est ainsi qu'ils vont bientôt fournir des équipements modernes afin d'augmenter le rendement des poissons, continue Elisenzo Habonayo, œuvrant dans la communauté est-africaine dans le secteur de pêche. Le gouverneur de la province de Kirundo, Albert Hatungimana, a demandé à cette commission qu'il voit à rentabiliser d'autres lacs comme Chohoha, qui touche sur 3 communes, mais qui n'a pas de poissons en quantité suffisante. Il a signalé également que la commune de Busoni profite beaucoup du lac Ergueru, car 80 millions de nos francs entrent dans la commune par des taxes sur les poissons. Depuis Kirundo, Abraham Safar pour la radio Isanganiro. À la source, reportage. Certaines femmes de la colline Echang en commune Musongati de la province de Lutana se réjouissent de l'érection du pont piétonnier suspendu reliant les communes de Musongati et Minga Kayove. Elles expliquent qu'avant, elles étaient obligées de parcourir de longues distances, mais il y a des femmes qui manifestent de la phobie de passer sur son pont. Lewis Nibitegeka, chef collinaire de Changa, dit qu'avant la construction de son pont, il arrivait que des élèves s'absentent à l'école suite au débordement de la rivière. Elinibel Nibigir. S'il faut se rendre dans les champs ou au marché de Changa de la commune Musongati à Minga Kayove, c'est ce pont piétonnier suspendu qui est utilisé. Avant la construction de ce pont sur le site touristique Les Chutes de Mwishanga, ces femmes disent que ce n'était pas facile de traverser vers Ngoma, comme le témoigne Marie Njanda Jande de la colline Changa. Avant que ce pont soit construit, nous étions obligé de contourner cet endroit. Et c'était difficile même d'envoyer un enfant qui doit passer par là, car il y a même de la forêt. Mais maintenant, les enfants aiment passer facilement sur ce pont. Ils n'ont pas peur puisqu'ils voient que d'autres passent sans problème. Et voilà, les enfants traversent en toute sécurité, car ils ne rencontrent aucun problème. Cette femme trouve que cette technique devrait s'étendre sur d'autres coins du pays. Pour d'autres coins, il faut que cette technique s'étende car ça contribue dans l'éducation des enfants et ça permet aux autres enfants de voir des modèles à suivre pour les enfants qui sont en train de naître aujourd'hui. Cependant, il y a d'autres femmes qui ne supportent pas passer par cette infrastructure suite à la peur. Une d'elles en témoigne. Moi, j'ai tellement peur. Je ne sais pas si je peux arriver à traverser. Je n'ai pas encore traversé. Pour aller où? Moi, je n'ai pas encore pris ce chemin. Lewis Nibitegeka, chef de la colline Shang en commune Musongati, reconnaît aussi la contribution de ce pont piétonnier suspendu, expliquant qu'il arrivait que des élèves s'absentent à l'école en cas de débordement de la rivière. Il y avait un grand problème pour des élèves qui quittaient Minga Kayove pour venir à Shang. Les élèves étaient obligés de sauter ou de traverser la rivière. En cas de débordement, les élèves s'absentaient ou quand ils se trouvaient à l'école, ils demandaient l'abri dans des ménages environnants et revenaient après que la rivière ait retrouvé son lit normal. Même les femmes avaient tellement peur de traverser quand il n'y avait personne pour les aider. La construction du pont piétonnier suspendu reliant les collines Changa et Lugunga dans les communes Musongati et Minga Kayove de la province de Lutana a débuté en début de cette année 2021. Merci à toi, Eli Nibel Nibigira. Je vous l'avais dit en titre, le taux de prévention de la transmission du sida de la mère à l'enfant a diminué, passant de 86% en 2018 à 63% en 2020. Les intervenants dans la lutte contre le sida constatent que la transmission de la mère à l'enfant s'observe toujours lors de l'araignée de ces acteurs de coordination en matière de lutte contre le sida. Ce vendredi, Dr. Aimé Ndaïdzeye, directeur du programme national de lutte contre le sida, promet de redoubler d'efforts avec l'appui de tous les intervenants dans ce domaine pour rehausser le taux de dépistage des femmes enceintes. Ornella Mouchou. Lors de la réunion des intervenants en matière de lutte contre le VIH-Sida, il a été exposé que la transmission de la mère à l'enfant à travers l'allaitement maternel est de 14% au moment où ça devrait être en dessous de 5% et que le taux de prévention lors de l'accouchement maternel est passé de 86% à 63%. L'une des participantes, Dr Denise Ngadimana, chargée du programme du VIH, de la tuberculose et des hépatites à l'Organisation mondiale de la santé, OMS, trouve que cette augmentation est inexplicable au moment où le gouvernement et ses partenaires ont déjà mis en place des mesures de lutte contre cette contamination. Je trouve que c'est quand même au XXIe siècle que c'est un peu inacceptable qu'on voit les enfants qui continuent à naître avec le VIH, alors qu'on estime que ce soit le gouvernement et avec ses partenaires, ils ont mis en place des interventions pertinentes, efficaces, qui peuvent vraiment empêcher la transmission du VIH de la mère à l'enfant. Dr Emenda Idzeye, directeur du programme national de lutte contre le sida, situe le problème majeur au niveau de la consultation prénatale des 3 premiers mois. Selon lui, il faut l'implication de la communauté pour sensibiliser les femmes enceintes à faire des consultations à temps. Et au niveau des sécurités de soins, il nous faut aussi renforcer l'éducation, la formation des prestataires de soins pour que toute femme enceinte qui vient consulter puisse être dépistée au VIH, parce que nous avons observé qu'il y a des femmes qui viennent et parfois qui ne sont pas dépistées au VIH, alors que tout le matériel nécessaire est disponible. Et qu'il y a aussi tous les prestataires pour les femmes qui ont été dépistées VIH positif et puissent être directement enrôlées au traitement antirétroviral pour la prévention. Quant à Eric Sengiyumba, de l'Association burundaise des anciens usagers de drogue, l'implication des personnes vivant avec le VIH dans l'élaboration des projets de lutte contre le VIH reste nécessaire. Dr Ndaïdzeye promet qu'ils vont mettre en œuvre l'approche centrée sur les bénéficiaires depuis la planification des projets. Maintenant, nous allons impliquer les personnes vivant avec le VIH depuis la planification des interventions de lutte contre le VIH-SIDA et de prise en charge. Parce que ce que nous faisions sans eux, c'est que parfois il y a des actions qui étaient omises, alors que les personnes vivant avec le VIH elles-mêmes, ils peuvent nous suggérer les actions qui doivent être mises en avant. Donc nous allons maintenant les prendre en compte depuis la planification, maintenant aussi dans le suivi, les supervisions, les monitoring sur le terrain, mais aussi dans l'évaluation des interventions pour que nous puissions arriver à relever les obstacles comme ça. Et comme vous le savez, il y a l'adage qui dit que tout ce que vous faites pour moi, sans moi, vous le faites contre moi. Lors de cette réunion, il a été précisé que la province Bujumbura est la plus en arrière dans la prévention de la transmission du VIH de la mère à l'enfant. Radio Isanganiro, chronique environnement. Chronique environnement, les pertes en vies humaines et les conflits fonciers sont certaines des conséquences liées au glissement de terrain. Explication d'un docteur géologue et professeur d'université. Docteur Louis Naïman a trouvé qu'il est difficile de se prévenir contre ce phénomène. Toutefois, il affirme qu'il est possible de réduire des éventuels dégâts. Il propose de faire une étude du sol avant de construire n'importe quelle infrastructure. La chronique environnement avec Vestine Boutoy. Lors de la récente chronique, nous avons parlé des régions susceptibles de glissements de terrain ainsi que les causes de ce phénomène. Maintenant, l'expert en sciences de la Terre, docteur géologue Louis Nahimana, classifie les sortes de glissements de terrain. Il y a des glissements de terrain. Par exemple, vous avez une montagne qui se coupe et le terrain glisse et les maisons qui se trouvent sur la partie glisse restent presque en position verticale. C'est ce qu'on appelle des glissements rotationnels. Il y a des glissements, par exemple, où vous ne voyez pas le glissement comme tel, mais vous voyez une grande quantité de boue. En fait, c'est la montagne qui se mélange avec de l'eau. Ça devient de la boue et ça devient une coulée boueuse. Il y a des glissements de terrain où vous avez plutôt des mouvements de masse, vous avez plutôt une grande quantité de matériaux qui tombent sur des talus relativement raides. Bref, il y a des classifications. Certaines des conséquences liées aux glissements de terrain sont entre autres la perte en vies humaines et les conflits fonciers, explique le docteur géologue. Quand un terrain glisse, il y a par exemple des gens qui ont construit des maisons. La maison peut partir si le glissement survient la nuit. Quand les gens dorment, généralement, il peut peut y avoir des gens qui décèdent quand un glissement de terrain glisse et emporte par exemple une conduite d'eau à ce moment-là. C'est une coupure et une partie de la population qui est privée d'eau. Si un glissement de terrain emporte une route, vous comprenez que c'est la communication qui est complètement perturbée. Docteur Louis Nahimana trouve qu'il est presque impossible de se prévenir contre le glissement de terrain. Par contre, il affirme qu'il y a moyen de réduire les dégâts occasionnés par ce phénomène en faisant des études avant de construire n'importe quelle infrastructure. Il y a moyen de mitiger, de réduire l'impact. Sinon, il y a des endroits où il est très difficile de se protéger contre les glissements de terrain. Parce que pour se prévenir, il faut changer la géologie. On ne peut pas changer la nature des terrains. Par exemple, la région des Miguas, les glissements de terrain sont très fréquents. La topographie est raide. Les terrains géologiques sont très altérés. Disons que se protéger contre les glissements de terrain, ça devient difficile. On peut réduire, je dirais, les dégâts. Par quels moyens pourrait-on réduire les dégâts? Par exemple, si on fait une très bonne cartographie de ces phénomènes, on les connaît. Si on a un projet d'aménager quelque chose d'important sur le terrain, il faut faire des études préalables pour qu'on ne s'installe pas sous une infrastructure sur le glissement de terrain. Parce que les glissements de terrain, parfois, ce n'est pas facile de les identifier. Il faut des spécialistes. Et généralement, d'ailleurs, quand un terrain il a déjà glissé, il va continuer à glisser. Cet homme de science conseille la population à alerter les autorités en cas de manifestation des indices caractéristiques de glissement de terrain. Il appelle le gouvernement burundais à faire une étude avant d'entreprendre n'importe quel projet relatif à la construction. Merci à Vestine Boutoy. Et bien voilà, c'est sur cette chronique et environnement que nous mettons en point final à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Également, merci à François Kimana pour sa mise en onde. À la présentation, vous étiez avec Jean-Marie Mayonga. Je vous souhaite de passer une bonne soirée chez vous. Au revoir.